trois clopes. Je vais peut-être mourir comme Malcolm. Philippe Lain, René Lacoste me feront tomber dans la drogue. Je n'oublie pas mais je pardonne. Méfiant, méfiant, mafieux comme Al Capote. Et les derniers seront les premiers quand ils pourront tricher. Dans le quartier c'est trop miné, on se retrouve au QG. C'est qu'une balle traîne donc si tu le fais c'est que t'es obligé. Avec barrage dans le GT, je suis comme dans la fusée. Fumée grise, tout mon noir, je perds des milliers de neurones. Je maîtrise, je sais de quoi je parle, je suis dans la street pour des euros. On fera des malheureux et des heureux. Des malheureux et des heureux. On n'est pas des chanceux, l'avenir appartient aux plus désireux. Je suis pas trop là, je les laisse entre eux. Me demande pas pourquoi, je répondrai parce que. Ils parlent de moi quand t'es avec eux. Quand je suis avec eux, ils parlent de toi, les envieux. Beaucoup de on m'a dit, beaucoup d'as qui paraît. Très peu de tentatives, mais beaucoup de si malgré. Il paraît que le temps passe vite, je peux pas réfléchir après. Je dois réfléchir tout de suite, je réponds quand le bif m'appelle. Et deux billets de 500 brise une amitié, parce que ton ami veut plus que la moitié. Quand j'avais pas ce métier, dis-moi où vous étiez. Ce que je retiens, c'est que quand t'es bien, ils te boufferont les pieds. Il n'y a que les miens qui profitent de mes gains. Dis à ta petite sœur de se rhabiller. Demande à la sauce de se frambodote. Beaucoup de paroles très pétasses. La rue me rend autodidacte. Je crois que t'es le meilleur candidat. Y'a des choses qu'on dit. Y'a des choses qu'on dit ap. Au pays du bleu, blanc, rouge, j'arrive en noir, c'est un handicap. J'ai promis à l'équipe que j'abandonnerai ap. Que je reviendrai avec des cadeaux dans la hotte. La télé, les hits et la cote. Si tu savais comment j'avais hâte. Quand j'étais môme. Aujourd'hui c'est plus la même. Faut du bif pour le loyer de ma mère. Surtout pas pour ces codes qui font des manières. J'suis pas trop là, je les laisse entre eux. Me demande pas pourquoi, je répondrai parce que. Ils parlent de moi quand t'es avec eux. Quand je suis avec eux, ils parlent de toi, les envieux. Beaucoup de on m'a dit, beaucoup d'as qui paraît. Très peu de tentatives, mais beaucoup de si malgré. Il paraît que le temps passe vite, je peux pas réfléchir après. Je dois réfléchir tout de suite, je réponds quand le bif m'appelle.